RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Et voilà, salut à tous, merci d'être avec nous comme tous les dimanches. Vous le savez, c'est sur RMC nulle part ailleurs, entre 12h et 14h, toutes les infos concernant les sports mécaniques, toutes les réactions. C'est un réel bonheur pour moi que de vous présenter cette émission aujourd'hui. Un réel bonheur d'autant que nous allons parler tout de suite de la deuxième plus grande épreuve d'endurance au monde. Et oui, il s'agit des 12 heures de Sebring qui se sont déroulées, qui se sont terminées cette nuit vers 4h du matin du côté de la Floride. C'était en direct sur Motors TV. Tenez, ça tombe bien. Ben on a juste en ligne quelqu'un que vous connaissez bien également sur l'antenne de RMC. Il s'appelle LFB, Laurent Frédéric Bollet, rédac chef de Motors TV. Salut LFB. Présent à l'appel. Salut Jean-Luc, bon, salut à tous. Tout va bien. Alors écoute, pour résumer cette édition, je crois que c'était la 58e, hein, si mon souvenir est exact, de cette épreuve prestigieuse. Et d'ailleurs, tu vas nous rappeler quelques noms des pilotes qui l'ont emporté là-bas. Eh bien, on peut dire chronique d'un triomphe annoncé pour Peugeot, c'est ça? Voilà, donc oui, disons-le tout de suite, Peugeot a donc gagné ses 12 heures de Sebring et c'est vraiment une course très très importante dans le monde de l'endurance. Pas seulement d'ailleurs parce qu'elle sert de préparation idéale, idéalement, hein, aux 24 heures du Mans, mais c'est parce que cette course existe depuis 1952. Et bah tous les grands pilotes l'ont gagné, hein. Jean-Manuel Fangio, ça te dit quelque chose? Ah, oui. Stirling Moss, ouais. Mario Andretti, Jack Hicks, Tom Christensen bien sûr. Enfin bon, c'est un wouzou évidemment de l'endurance depuis plus d'un demi-siècle. Et Peugeot avait hier l'occasion, eh ben, de rentrer dans l'histoire. Jamais une marque française n'avait gagné Sebring. Donc ça compte, hein, tu penses bien. Eh ben Peugeot l'a fait. C'était possible. Peugeot l'a fait. Certes. En l'absence d'Audi, hein, je crois que là, on va pas tromper nos auditeurs. Audi n'était pas là, mais c'est pas pour ça que c'était facile pour Peugeot, fallait le faire. Et Peugeot a magnifiquement relevé le gant et a triomphé à Sebring de manière indiscutable avec un doublé à la clé. Alors LFB, peut-être la difficulté pour Olivier Quesnel, qu'on aura en ligne, hein, normalement tout à la fin de cette émission, compte tenu évidemment du décalage horaire. On devrait avoir également Nicolas Minassian qui a terminé deuxième là-bas, donc tu vas nous raconter ça avec un écart minime. Et puis on aura dans quelques minutes là Romain Dumas, tu vois qui c'est, il est pilote Audi et Porsche, et justement il part là-bas, là il va sauter dans l'avion pour aller essayer cette fameuse Audi R15. Alors la raison pour laquelle Audi ne s'est pas engagé, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a une refonte total de cette machine, hein, qui a été battue aux 24 heures du Mans l'an dernier, et que justement, en fait, ils n'ont pas pu homologuer la voiture pour rouler, c'est un petit peu ça? Alors c'est ça en fait, oui, c'est vraiment très compliqué, quelque part c'est vraiment très dommage. Bon, pour la faire courte et pour essayer de résumer à tous nos auditeurs, bon, l'an dernier il y a eu une petite guéguerre entre Audi et Peugeot, parce que Peugeot considérait que la voiture d'Audi, la R15, ne répondait pas complètement au règlement prototype endurance automobile club de l'Ouest. Du coup, Audi a effectivement été obligé de revoir sa copie. Audi a estimé qu'il n'était pas prêt assez tôt pour venir à Sebring, donc ils ont demandé à concourir à Sebring avec une voiture un petit peu intermédiaire ou hybride, mais dans le sens préparatoire. Et Peugeot n'a pas accepté cette requête. Ce qui peut quand même se comprendre, parce que soit on fait la course dans des conditions normales, soit on ne la fait pas quelque part. Donc oui, à la rigueur, Audi ne pouvait pas être là. Mais ce qui est quand même idiot, c'est que Audi a quand même fini sa voiture, puisqu'elle va rouler demain en essai privé à Sebring. Hein. Romain Dumas va te le confirmer. Eh oui. Donc on est tous en droit de se demander, bon, à deux jours près, est-ce que ça valait quand même pas le coup pour Audi de se lancer dans le grand bain. Voilà. C'est sûr, on a l'impression d'être un peu frustré. Bon, on va parler de cette belle victoire de Peugeot, encore une fois, qui a été, malgré tout, je vais pas dire difficile, mais il a fallu réfréner les équipages. Hein. Alors, on le dit, bien sûr, c'est Genevurt, c'est Davidson qui l'emporte, mais alors vraiment d'un souffle, hein, devant l'ami Sébastien Bourdais et Nicolas Minassian. 13 secondes, 817 millièmes, Jean-Luc, d'écart à l'arrivée au bout d'une course de 12 heures. Donc évidemment, c'est rien du tout. Donc Peugeot a effectivement dominé la course sans trop de soucis. Hein. Les deux voitures sont un petit peu envolées, même si bon, lors de la première heure, on a vu le retraité Emmanuel Pirot nous rappeler à tous que même s'il est en retraite ou plus ou moins en retraite, l'ex-pilote Audi n'avait rien perdu de sa vélocité. Ah, bon, il a enfin, bon reste, hein. C'était magnifique d'ailleurs, hein, ce début de course, absolument somptueux. Ouais, il a été fabuleux Emmanuel Pirot, mais bon, on va dire à la régulière, oui, les deux Peugeot étaient quand même devant. Ouais. Et puis c'est vrai que Olivier Quesnel, hein, il nous l'avait dit aussi hier sur Motors TV en direct pendant la course, non, pas de consigne d'équipe, parce qu'il voulait que ces deux structures, si tu veux, les deux équipes qui s'occupent de chacune des deux voitures, s'entraînent, mais à fond, à 100% pour Le Mans. Donc quand on s'entraîne comme ça, eh ben on ne calcule pas et on ne fiche pas. Au contraire, on se motive, on va jusqu'au bout, on est dans le stress de la course, on est dans les conditions de la course telles qu'elles doivent se dérouler, en imaginant quelque part que c'est une Audi qui est face à chacune de ces deux équipes. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc il a laissé effectivement l'autorisation à tout le monde d'aller se battre pour la victoire jusqu'au bout, sans trop se faire de cadeaux. Ouais. Évidemment, on sait que dans ce genre de cas de figure, il leur a demandé de ne pas s'accrocher, de ne pas s'auto-éliminer tous les deux. Quoi. On est d'accord. Va mettre une limite évidente, à savoir, on tente pas le diable et on risque pas de tout mettre, tout réduire à néant. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, 13 secondes d'écart, et puis ça s'est joué, on va dire. On peut vraiment avoir le sentiment que Bourdet-Minassian, Lamy ont contrôlé la situation jusqu'à 2 heures de l'arrivée. Ouais. Et puis il y a un attaqueur, c'est ça, je crois, de Seb Bourdet en pneu froid, c'est ça ? Oui, mais là, à la rigueur, ça s'était déjà inversé la tendance. D'accord. Ils avaient entre 30 secondes et une minute d'avance pendant la majorité de la course en avance, l'équipage de Bourdet-Minassian, Lamy. Et puis les neutralisations, il y en a toujours aux États-Unis, ont été un peu plus favorables à la 07, qui a toujours su se remettre finalement. La 07, c'est l'autre voiture, donc de gêner Wurz et Davidson, qui a toujours su se mettre, si tu veux, juste derrière au moment des restarts pour être là, pour empêcher en quelque sorte la sérénité ou la tranquillité pour l'autre voiture. Et effectivement, faut avouer, les deux dernières heures, Alex Wurz, l'Autrichien, a su passer devant Sébastien Bourdet, mais il n'a jamais laissé à Sébastien l'occasion de le doubler. De revenir, oui. À un moment, il était sur ses talons. Il a fait deux superbes relais. Alors c'est vrai que Sébastien, à la fin, en attaquant comme un fou, fait un 360, ça lui coûte 10 secondes, c'est pas énorme. Mais tu vois, l'arrivée, il y a 13 secondes, ils ont été à fond tous les deux. Et ça s'est joué à rien du tout, c'était la belle lutte franche. C'était un beau spectacle. Alors, à 3 tours, toujours dans cette catégorie P1, on trouve la Lola Aston Martin dont tu parlais, avec donc Stéphane Muqueux, qui est pilote très rapide, Harold Prima, le pilote suisse, et puis Fernandez. Alors, elle termine à 3 tours, mais on sait que les Aston seront très rapides, notamment au Mans, parce que la réglementation leur a redonné un petit peu de vigueur, c'est ça ? Oui, alors tout à fait, tu as raison, je vais néanmoins nuancer un petit peu ton propos. Donc, Aston Martin officielle était présente à Sebring, donc évidemment, grand nom. C'est un moteur essence, donc là encore l'avantage est resté côté diesel, côté Peugeot. Malgré tout, 3 tours, le circuit on fait moins de 2 minutes au tour, trois tours, c'est pas si énorme que ça sur 12 heures. C'est pas un circuit où on fait le tour en 3:30 comme au Mans, pas mal. Alors malgré tout, Olivier Kennel nous a dit que les enseignements de cette course sont états que certes en vitesse pure, en ligne droite, l'Aston Martin est peut-être plus rapide un petit peu que la Peugeot, donc ça c'est vrai que c'est important et ça va être important au Mans, parce qu'évidemment les lignes droites et les portions rapides, il y en a beaucoup plus. Mais en revanche, comme les Brits sont un peu plus favorables à ce niveau-là pour l'Aston Martin, d'accord, mais ça consomme plus pour l'Aston Martin. Ouais. Donc ils ravitaillent plus souvent. Et donc les Peugeot garderaient, ça serait peut-être même statu quo, garderaient leur avantage parce qu'elles consomment moins. Elles consomment moins et donc on fait une économie assez substantielle au niveau des arrêts au stand. Alors, LFB, il y a eu d'autres catégories, bien sûr, notamment les LMP2. Alors, on avait quelques espoirs pour un pilote français qu'on aime bien, qui intervient souvent sur cette antenne, évidemment, Simon Pagenaud, qui a intégré une nouvelle équipe, l'équipe Highcroft. Alors, on avait de gros espoirs et non, on ne gagne pas la catégorie P2, finit deuxième. Ouais. Sans vouloir être trop chauvin, mais bon, allez, on a tous une petite fibre. On est un peu triste quand même qu'il n'y ait pas un Français qui ait gagné dans les deux plus grandes disciplines. Nicolas Minassian et Sébastien Bourdet n'ont pas gagné au général. Et puis Simon Pagenaud n'a pas gagné en catégorie P2. Ah, ils ont eu juste un petit souci à un moment donné qui les retarde un gros quart d'heure dans leur stand. Une sorte de début de surchauffe au niveau d'un câble dans le cockpit. Tu vois, c'est rien du tout, mais ça suffit quand même à immobiliser une voiture quelques tours au stand. Et puis derrière, c'est une Porsche RS Spyder qui a gagné avec deux pilotes allemands notamment. Donc ils doivent se contenter de la deuxième place, notamment notre ami Simon Pagenaud, qui sera, tu le sais. Et voilà, pilote Peugeot. Alors je te laissais terminer parce que c'est là que c'est drôle. Il va se retrouver dans ces fameuses Peugeot 908 HDI. Il sera un pilote officiel. On sait que l'an dernier, il avait démontré de très très belles qualités aux commandes de la Peugeot engagée par Pescarolo. Là, il sera pilote officiel. Donc ça va être du lourd pour Simon. C'est un jeu, Simon, on peut presque dire. Tout à fait. Alors Simon Pagenaud avait piloté la Pescarolo Peugeot, si on ose dire, au Mans l'an dernier, mais il avait quand même piloté une Peugeot officielle aux 1000 km de Spa un mois avant le Mans, et il avait remporté cette course, tout en signant la pole position. Pas mal pour un début avec une 908. Donc il a été intégré cette année officiellement pilote Peugeot. Mais lorsqu'il ne fait pas le programme Peugeot, il fait l'American Le Mans Series, donc le championnat d'endurance américain, avec l'équipe Acura. Alors, hier, il était face à ses futurs partenaires. LLV, malheureusement, je dois t'interrompre un peu, non pas pour te couper, mais on n'a pas parlé des GT2 encore. Alors, on avait des gros espoirs avec les Corvettes, et il y a eu un incident incroyable. Hein, les deux Corvettes qui se percutent dans les stands, et du coup, elles terminent loin, elles terminent 14 et 15e. Et évidemment, là aussi, on suivait de près la course de Manu Collard qui inaugurait ses nouvelles couleurs, là. Voilà, Manu Collard, nouveau pilote Corvette officiel, hein, c'est un programme officiel aux États-Unis, très important en catégorie GT2. Et bah tu vois ce que je veux dire, et nos auditeurs imaginent très bien la scène. Il y a une Corvette qui est arrêtée au stand qu'on fait repartir, et au même moment, il y a l'autre voiture qui arrive pour s'engouffrer dans son emplacement, donc c'est-à-dire 2 mètres devant. Et mésentente, incompréhension, c'est incroyable. Terrible. Et donc les deux se tapent très fort et s'accrochent. Oh là là, qu'est-ce que cette image a été dure à encaisser. Et j'imagine que Manu Collard, qui était au volant de celle qui arrivait, mais il y est pour rien, il faut le dire. Bah, là, on lui donne, bah voilà, on lui dit de rentrer au stand, il rentre. Il imagine pas qu'on va lâcher l'autre. Enfin, c'est une histoire de fou. Surtout, hein. Mais tu vois, au millimètre près, à la milliseconde près. C'est-à-dire qu'ils auraient voulu le faire exprès, ils le faisaient pas. Ben là, elle s'accroche, absolument. C'est quand même incroyable. Donc c'est une faute. C'est une faute professionnelle, il n'y a pas d'autre mot. Mais bon, je serais curieux de savoir ce qu'a pu te dire, ce que te dira éventuellement Manu si tu arrives à le joindre. Mais nous, hier, on a essayé, ça ne répondait pas au téléphone. Bah, c'est évident que ça a été mal vécu, cette histoire. Comment veux-tu, tout à fait. Donc Corvette a été battue, c'est Ferrari qui l'emporte en GT2. Et voilà, et oui, ça c'est une belle victoire de Mello, Bruni et Kaffer, donc la Ferrari qui fait une belle course devant les deux BMW groupés. Voilà. Et oui, donc les Porsche pas sur le podium, de la catégorie. Et oui, LFB, on va continuer à parler évidemment des 12 heures de Sebring, mais pas avec toi si tu veux bien, avec Romain Dumas, qu'on va avoir dans un instant, et qui justement saute dans l'avion là pour partir en Floride. Et puis en fin d'émission, je l'ai dit, on devrait avoir normalement Stéphane Sarrazin, alors qui n'était pas là-bas, mais qui va nous parler lui de ses espoirs. Et puis on aura Nicolas Minassian qui finit deuxième, donc, et Olivier Quesnel, bien sûr. Voilà. Oh, bah, je vois que le menu est C'est du lourd. Ouais, super. Merci beaucoup, LFB. Tu vas pouvoir te rendormir, hein, parce que t'as passé une nuit presque blanche. Merci, salut. Allez, vous restez avec nous, naturellement. Petite pause et on retrouve tout de suite Romain Dumas. Il est en Allemagne, pour tout vous dire, et il part en Floride. RMC Motors avec Motors TV. Jean Lucroix. Et oui, vous êtes bien sûr RMC dans le cadre de Motors. Vous le savez, on vous donne toutes les dernières nouvelles des sports mécaniques tous les dimanches entre 12h et 14h. On vous a parlé de cette épreuve mythique, prestigieuse des 12 heures de Sebring il y a un instant, en compagnie de Laurent-Frédéric Bollet, LFB, qui l'a commenté en direct sur Motors TV, puisque c'était en exclusivité. Et tout de suite, eh bien, on a le plaisir d'accueillir Romain Dumas, pilote Audi et Porsche, qui est en Allemagne. Salut Romain. Hey, bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors toi, écoute, c'est l'inverse. Là, tu vas sauter dans un avion. Alors déjà, tu vas me raconter ce que tu fais en Allemagne et pourquoi tu vas en Floride. Mais je l'ai dit en ouverture de l'émission. En fait, on était hier au Nürburgring pour 2 jours d'essai pour préparer les 24 heures Nürburgring avec Porsche, où on va faire les 24 heures cette année contre les BMW que vous avez pu voir d'ailleurs à Sebring. Absolument, encore bien marché. Les Ferrari et les Audi. Après, je prends l'avion ce matin pour aller demain tester la nouvelle Audi R15 Plus en vue des 24 heures du Mans, voilà. Alors, deux programmes pour toi. Donc, les 24 heures du Nürburgring, on peut rappeler rapidement 200-250 000 spectateurs et surtout la fameuse Nordschleife, un circuit de près de 23 km de long. C'est une épreuve extraordinaire, ça, Romain. C'est vraiment une épreuve fabuleuse que tu as déjà remportée, bien sûr. Oui, c'est pour moi le plus beau circuit au monde, de loin. C'est une épreuve très très réputé en Allemagne, vu qu'il y a tous les constructeurs, Audi, BMW et Porsche, enfin les constructeurs allemands tout du moins, qui se livrent une grosse bataille. Et maintenant, on va à nouveau cette année essayer de défendre notre titre, puisque ça fait 3 ans d'affilée qu'on gagne avec Porsche officiel à Emmental. Ouais. Mais maintenant, c'est sûr que là-bas, c'est pas facile, car le circuit est long. Il y a des fois sur 23 km, vous avez 10 km de pluie, 5 km de sec. Et après, vous avez 10 km même où il y a du 8 km avec du brouillard. Donc, il faut vraiment s'adapter. Mais c'est le circuit pour moi le plus beau, avec plus de 200 voitures au départ, avec tout genre de pilotes, c'est sûr, mais vraiment des batailles à tous les niveaux. L'année dernière, pour vous dire, au bout de 20 heures, il y avait une minute d'écart entre nous et la Audi à l'époque, et la nouvelle Audi R8. Donc, c'était vraiment une super course. En tout cas, c'est une épreuve qui n'est pas super connue en France, mais qui reste une des plus belles courses d'endurance au monde. Absolument fabuleuse. Alors, tu as la chance, Robin, cette année, de porter à la fois, et ce qui est exceptionnel, hein, vraiment, pour ne pas dire unique, les couleurs de Porsche, officiellement, et d'être également pilote Audi. Alors, évidemment, tu as suivi, peut-être, je ne sais pas si tu avais un écran de Motors TV, mais tu as suivi ces 12 heures de Sebring qui sont terminées avec un triomphe des deux Peugeot, hein, on s'y attendait, qui avait la bride sur le cou, d'ailleurs, les deux pilotes. Alors, évidemment, le regret d'un petit peu de tout le monde, c'est que Audi, qui effectue des essais, tu viens de le dire, à partir de demain, pendant 3 jours, hein, je crois, sur le même circuit, ne se soit pas présenté en course. Tu connais la raison officielle, toi ? La raison officielle, il y a plusieurs, j'imagine, plusieurs raisons. Maintenant, moi, il y a eu des choses, un peu de, si on pourrait appeler ça politique là-dessous. Mm. Moi, j'ai pas, sincèrement, j'ai rien à voir avec ça. Nous, on nous demande, comme je dis toujours, de conduire et tout le reste. Ouais. Je veux dire, chacun a sa place là-dedans. Donc, c'est sûr qu'en tout cas, pour un pilote, on aurait préféré être à Sebring. Ça fait rouler, bien sûr. Maintenant, bien sûr. Après, vous savez, à l'époque, est-ce que l'Audi va être accepté, pas accepté, l'avant, etc. Tout ça, pour moi, c'est, je dirais pas accessoire, parce que forcément, ça nous touche de près ou de loin. Mais vous savez, si on commence, nous, les pilotes, à se mêler et donner notre avis sur tout ce qui est les règlements, la technique et la politique, on ne va pas s'en sortir. C'est sûr. Donc, chaque chose, je dirais, chacun a sa part là-dedans, chacun a son idée, mais après, on doit déjà essayer de conduire. Alors, Romain, cette Audi, elle a été rebaptisée R15+. Hein. Ça veut bien dire qu'il y a une refonte totale, parce que je crois que chez Audi, on a mal digéré, évidemment, le fait de se faire battre par Peugeot l'an dernier aux 24 heures du Mans. Bon, la voiture était complètement neuve. L'année dernière, Sebring pour Audi a été trop, je dirais, beau. Et magnifique, donc, hein. Première victoire, première sortie, hein, carrément. Voilà, donc du coup, peut-être, je pense pas qu'ils avaient ou qu'on avait, puisque moi je suis arrivé après Sebring, sous-estimé le problème, c'est pas vrai. Simplement, une course de 12 heures, même si Sebring est une des plus dures ou la plus dure au monde, c'est une bonne préparation pour le Mans, mais c'est pas les 24 heures du Mans. Les lignes droites sont quand même différentes. On a pu voir là, une Peugeot l'année dernière, plus que rapide en ligne droite, très très bonne, avec un super moteur, et malheureusement, l'Audi peinait aux 24 heures du Mans dans la ligne droite, et ça, vous pouvez pas le voir à Sebring, parce que Sebring, forcément, c'est un peu plus serré. L'appui aéro de l'Audi marchait bien à Sebring, mais peut-être pas autant, tout du moins au Mans. Voilà. Alors, cette voiture, elle est nouvelle. Est-ce que tu as eu l'occasion, justement, de l'échelonner par rapport à la précédente? Tu as roulé dans l'autre R15. Est-ce qu'il va y avoir des comparaisons entre les deux? Je pense qu'il va y en avoir, c'est sûr. Ouais. Moi, j'ai pas encore roulé. Encore une fois, là, on va aller à Sebring, on va avoir une idée. Mais comment remplacer le Mans? Je pense que c'est irremplaçable. Les lignes droites, etc., du circuit des 24 heures. Donc, on va avoir une idée. Maintenant, j'espère qu'on va avoir 3 jours d'essai déjà, sans aucun problème technique, ce qui va nous permettre de commencer à travailler sur la voiture. Un nouvel aéro, comme vous avez pu voir dans la presse, complètement changé. Donc, ça va déjà être pas mal de boulot pour la mettre au point, d'avoir déjà une bonne stabilité, un bon châssis. Et après, bon, mais on verra pour le moteur. Peugeot sera là aussi en début de semaine. Bien sûr. Donc, bon, on va pouvoir regarder ce qui se passe. On a déjà regardé cette nuit, j'ai un peu suivi la course aussi. Donc, bon, on aura quelques enseignements. Néanmoins, attendons le mois de juin pour que tout le monde accélère à 100%. Oui, impeccable. Quel est ton programme, la Romain, après cette séance d'essai donc pour Audi? Comment ça va se passer d'ici les 24 heures du Mans? On aura d'autres séances d'essai, ça c'est sûr. Par contre, vous aurez les trois Audi, comme ça a été annoncé au 1000 km de Spa. Oui. Il y aura une Audi au Paul Ricard, ça sera pas moi, ça sera celle d'Alan McNish. D'accord, ça c'est l'ouverture de la saison Le Mans Series, hein, en avril. Voilà. Ouais. Oui, et bon, pour ma part, en tout cas, moi, je vais enchaîner et de l'Audi et de la Porsche GT pour préparer les 24 heures à Nürburgring avec des courses qu'on appelle de VLN au Nürburgring, c'est-à-dire des courses de préparation pour les 24 heures. Et il y aura surtout les 24 heures de Nürburgring après au mois de courant, le mois de mai. Mm-hmm. Là, vraiment, c'est pour nous très, très important. Bon, bah, génial. Merci beaucoup, Romain, d'avoir pris quelques minutes là, avant de sauter dans ton avion pour la Floride. Et après ces essais, on peut dire que tu as un programme chargé, mais là, je pense que tu vas te régaler en commande de cette R15. On suivra les résultats des essais, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt. Puis on te reprendra à l'antenne. Merci beaucoup, hein, Romain. Merci bien. Bon vol, essaie de dormir dans l'avion. Ouais, merci, au revoir. Salut. Bon, on va se quitter quelques secondes, rassurez-vous, pour mieux se retrouver avec une partie de la Dream Team de la F1, Patrick Tambay, bien sûr, non, Antoine Arlot. On va revenir sur les leçons à tirer de Bahreïn avant le Grand Prix d'Australie. Ce sera le week-end prochain, évidemment, sur RMC. Restez avec nous. RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Et voilà, vous avez bien fait de rester avec nous dans Motors sur RMC comme tous les dimanches entre 12h et 14h, puisque bien sûr maintenant on va ouvrir la belle page de la Formule 1 avec la Dream Team de la F1 et notamment Patrick Tambay qui livre un grand prix entre deux bureaux de vote aujourd'hui. Salut Patrick. Oui, bonjour Jean-Luc. Je suis pas le seul, enfin en tout cas moi je me suis pas abstenu pour l'instant. Bon, ben c'est bien. Je sais que ton emploi du temps est chargé là, c'est d'autant plus sympa d'être avec moi aujourd'hui. Et puis on a le rookie de la F1 pour l'équipe RMC, c'est Antoine Arlot qui est avec nous en pyjama entre deux bols de café. Antoine, quand même pas. Bon, ça va. Salut Antoine. Alors Patrick, avec toi et avec Antoine, je voulais qu'on revienne évidemment et qu'on tire un petit peu les leçons de ce premier Grand Prix, puisqu'évidemment à Bahreïn, eh bien, on s'attendait à une bagarre au sommet, elle a eu lieu. Alors disons-le tout de suite, hein, puisqu'on va essayer de sortir les choses marquantes. Et toi, tu l'as dit tout de suite, on s'attendait peut-être un petit peu plus de bagarre sur la piste, un peu plus de dépassement. On peut commencer comme ça? Oui, je crois que c'est ce qu'on a tous constaté, hormis le début tonitruant de Sébastien Vettel, qui malheureusement a dû abandonner sur ennui mécanique. On n'a pas vu beaucoup de dépassements et donc tout le monde était un petit peu sur la réserve, peut-être aussi un petit peu dû au type de tracé de Sakhir, donc de Bahreïn, dû aussi à beaucoup d'inquiétudes avec la chaleur sur le comportement des pneumatiques. Donc tout le monde était un petit peu sur la réserve. Il a fallu voir les performances d'Al-Gursari, qui était parti lui sur une stratégie un petit peu différente et qui a fait claquer des chronos, puisqu'il est le recordman du tour, remarquable sur la fin de course, pour que les gars se réveillent un petit peu et sur la fin tapent un petit peu plus dans les pneumatiques. Donc voilà, c'est un premier Grand Prix, très très belle, très très beau doublé, très belle entrée en matière pour Ferrari. Mais moi je suis resté un petit peu sur mon sur ma faim au niveau de la réglementation avec le plein d'essence, mais bon, on verra après 3-4 courses la physionomie de cette réglementation. Pour l'instant, on va pas s'emballer effectivement. Puis je crois que de toute manière, tu le disais, il y a les spécificités du circuit. Melbourne, c'est totalement différent, peut-être aussi, on l'a évoqué d'ailleurs assez tôt, hein, la différence qui n'est pas assez marquée entre les gommes. Antoine, est-ce qu'on en parlait dans le paddock là-bas de Bahreïn, est-ce qu'on évoquait le fait justement que ce choix de gomme n'était finalement pas assez différencié? On disait, ah, les 10 premiers, ils doivent partir avec les pneus de qualif. Donc on sait évidemment que Sutil avait les durs, hein, mais comme il y a eu cet accrochage dans le premier tour, on n'a pas vu ce que ça donnait. En revanche, on a l'impression que les pneus tendres qui chaussaient donc les 9 autres machines pouvaient tenir pour la majorité 18-20 tours. Hein. Bah oui, mais ça c'est surtout quelque chose qu'on a entendu après en fait, parce que avant on l'entendait assez peu, et puis après quand on s'est rendu compte que le spectacle n'était pas forcément au rendez-vous, c'est effectivement quelque chose qui est venu de la part des pilotes, des ingénieurs, des écuries. On l'a entendu notamment chez McLaren, et effectivement il y en a plusieurs qui ont dit comme ça que c'était peut-être aussi de la faute de ces pneus qui étaient pas assez, qui différenciaient pas assez, que le manque de spectacle venait peut-être de là, en plus du fait qu'il n'y ait plus des ravitaillements au carburant. Bon, on va attendre un petit peu encore une fois, et Patrick le disait, pour tirer des leçons sur 3-4 Grands Prix, et peut-être s'il y a des améliorations ou des aménagements à faire au règlement, par exemple imposer pourquoi pas deux arrêts pneumatiques, hein, ce qui rendrait la stratégie évidemment plus compliquée. Patrick, on revient sur ce triomphe évidemment de Ferrari. Tu sais, pour revenir une fraction de seconde sur ce Grand Prix, si on regarde le déroulement des différents Grands Prix à Sakhir, ça a été rarement un grand prix où les dépassements ont été nombreux. Soyons clairs, tu as raison, voilà. De toute façon c'est le tracé de l'omniprésent, pour ne pas dire l'omnipuissant Herman Tilke, avec ses tracés qui malheureusement limitent les dépassements. Bon, on va pas épiloguer là-dessus, on en parle à chaque fois. Ouais. Alors, triomphe de Ferrari, ça c'est quand même formidable. Ah, évidemment, tu l'as dit, il a fallu les problèmes de Vettel, qui sauve quand même difficilement la quatrième place. Hein. Mais c'est sûr que ce qui nous a intéressé aussi dans ce Grand Prix, Patrick, et après on en a parlé dans les experts, c'est l'affrontement au sein des différentes équipes. Là, on peut dire qu'entre Alonso et Massa, c'est parti à un très très haut niveau. Oui, Felipe Massa qui prenait le dessus en qualification avec un tour remarquable, Fernando Alonso piqué un petit peu dans son orgueil peut-être, et puis Felipe Massa se fait déborder, mais prudemment peut-être aussi, par un Fernando Alonso qui veut dès le départ prendre l'avantage sur son coéquipier. Ça a été décisif dans l'optique de la victoire. Ça, c'était dans le virage, dans le deuxième virage, donc au tout début, ils étaient côte à côte, Alonso sur l'intérieur. Ensuite, eh bien, dans les turbulences de la course, derrière Vettel, dans le même rythme que lui, Vettel tenait la course dans la main, malheureusement avant cet ennui mécanique. Donc la Red Bull Renault est vraiment très très performante, mais elle souffre par rapport au Ferrari peut-être d'un petit manque d'essais hivernal. Donc voilà, il va falloir que la saison est encore longue, il y a encore 18 courses à faire, il va falloir attendre avec les prochaines courses pour savoir ce qui va vraiment. Et oui, la prochaine course, c'est évidemment dès le prochain week-end. Vous penserez bien au décalage horaire et au changement horaire. Donc ce sera très très tôt le matin. Il faudra se réveiller très tôt. Donc à 7h pour les qualifs, ce sera l'Albert Park de Melbourne. Et d'ailleurs, Stéphane Sanson, il est déjà dans l'avion, lui, pour partir là-bas. Alors Antoine, je sais que tu as passé évidemment ton week-end dans la chambre juste entre celle d'Alonso et celle de Massa dans l'hôtel. Bah, bien sûr. Donc, est-ce que tu as senti, est-ce qu'il se parle un petit peu en dehors, est-ce que tu as perçu, est-ce que, bon, complicité, le mot est peut-être fort, mais enfin, on sent qu'on est déjà parti à haut niveau entre les deux pilotes qui veulent affirmer leur suprématie, comme on l'a dit. Ouais, ils se parlent, mais je pense que moins possible, en fait. Felipe Massa, c'est pas les deux coéquipiers qui ont l'air de s'entendre le mieux. On le voit dans le paddock. Mm-hmm. Il y a entre Hamilton et Button, par exemple, on a l'impression. Alors, est-ce que c'est ils font semblant, est-ce que je sais pas. Mais en tout cas, on a l'impression qu'ils plaisantent plus ensemble. On les voit en conférence de presse, ils rigolent un petit peu. Entre Alonso et Massa, ça a l'air plus compliqué. Alonso, en plus, il est arrivé chez Ferrari. Vraiment, il est complètement chez Ferrari. C'est son rêve et il est à fond avec Ferrari. Et on l'a vu d'ailleurs, hein, quand il est monté sur le podium, il avait les larmes aux yeux. Absolument. On voit l'importance pour lui d'être chez Ferrari. Et c'est vrai qu'avec Felipe Massa, bon, c'est pas forcément, je pense que c'est pas les deux qui s'entendent le mieux, en tout cas. Ouais, c'est clair. Alors, Patrick, justement, si on passe écurie par écurie, parce que cette confrontation que tu as bien connue, hein, également toi aussi chez Ferrari, chez Renault, entre deux pilotes dans une grande équipe, on la retrouve et on l'a évoqué. Button, Hamilton, tu crois que ça va durer longtemps? Button plaide, il dit laissez-moi un petit peu de temps, et c'est logique, on le savait, hein. Mais Hamilton, là, quand même, l'a très clairement dominé. Alors, on parle de rivalité inter-écurie, là, hein. On commence donc par McLaren. Bah, elles sont nombreuses, les rivalités inter-écurie, parce que chacun a beaucoup d'espoir, beaucoup de velléité et d'ambition. Donc il faut arriver très rapidement à prendre le dessus technique, le dessus psychologique, le dessus sportif, avec des meilleurs points et des meilleurs classements sur son coéquipier. Donc tout en travaillant dans l'intérêt de l'équipe, hein, c'est essentiel. Et ça, ouais, c'est la mission des directeurs sportifs, c'est la mission de chacun ingénieur. Je crois qu'il était essentiel de faire du bon développement, et pour faire du bon développement et du bon travail, il faut travailler en harmonie. Mais ensuite, sur le terrain, eh bien, c'est les circonstances des épreuves qui vont récompenser les pilotes qui seront les plus assidus, les plus pugnaces, les plus incisifs. Et au fur et à mesure de l'avancement de la saison, les équipes seront obligées de soutenir l'un plutôt que l'autre. Et là, Hamilton a pris un avantage psychologique, même si Button s'en défend. Eh oui, c'est clair. Il est monté sur le podium, hein, déjà, Lewis Hamilton. Il est chez lui, on l'a dit et redit. Il a été formé, engagé par Ron Dennis. Et il est vraiment à domicile, Button, malgré son numéro 1 ou grâce à son numéro 1 sur le museau de la monoplace. Il va devoir remonter de loin. Là, il lui a quand même collé 22 secondes. Hein. J'ai les résultats sous les yeux. Donc, je sais bien qu'il y avait des petits trains qui sont formés, mais enfin, l'addition est quand même assez lourde. Allez, on change de registre avec toi, Antoine, pour parler de Vettel-Weber. Alors là aussi, hein, si on se réfère évidemment au premier Grand Prix, il n'y a pas photo, c'est peu de le dire, avec évidemment Vettel qui avait frappé très fort, cette magnifique pole, alors que le pauvre Weber était relégué au 6e rang. En course, c'est un peu pareil. Il y en a un qui existe, bon, il glisse avec les problèmes mécaniques, mais il est devant, on ne sent pas, en tout cas, tu vas me détromper peut-être, Antoine, mais on ne sent pas Weber capable de réagir tout de suite. Ouais, en tout cas, lui, c'est ce qu'il veut, évidemment. En Australie, il a envie d'être devant Vettel, il l'a dit. Il n'arrête pas de le dire depuis le début de la semaine. Mais c'est vrai que Red Bull, on a l'impression, et c'est ce que les autres pilotes disent, Hamilton l'a dit il y a pas longtemps, qu'ils avaient la meilleure monoplace du plateau. Alors, il y a eu quelques problèmes techniques pour Vettel lors du dernier Grand Prix. Et c'est vrai que ça ne s'est pas trop vu avec Weber. Avec Vettel, ça s'est vu, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il est parti en tête de la course. Mais voilà, c'est vrai que Weber, on le sent vraiment, on le sent un petit peu à la traîne par rapport à Vettel. Alors, est-ce que ça va venir, est-ce que c'est aussi parce, comme disait Patrick, parce qu'ils sont arrivés un petit peu plus tard dans les essais cet hiver? En tout cas, on le sent un petit peu à la traîne par rapport à Vettel, oui, c'est vrai. Allez, j'ai gardé la quatrième grande équipe. On va parler des autres après, bien sûr. Pour la bonne bouche, Patrick, évidemment, c'est Mercedes. Alors, on savait qu'ils étaient, enfin, ils l'ont dit en tout cas, hein, Michael Schumacher l'avait dit, Nico Rosberg s'est pas trop exprimé. Mercedes était un petit ton en dessous. Alors, là aussi, déception de la part de cette équipe qui est l'équipe Brown, hein, faut-il le rappeler, avec les deux Allemands, Rosberg et Schumacher. Déception aussi, ou pas, Patrick, pour Michael Schumacher, qui termine quand même sur les talons de son jeune équipier. Oui et non. Oui et non. Ce n'est pas la Brown Grand Prix de l'année dernière qui avait surpris tout son monde avec son double diffuseur, avec une avance technologique et aérodynamique importante l'année dernière. Là, j'ai l'impression que la concurrence a bien étudié la Brown de l'an dernier, a bien copié et a bien développé les monoplaces 2010. Donc, je pense que Michael Schumacher lui-même s'attendait peut-être un petit peu mieux, mais quelque part, c'est quand même une très belle performance pour un garçon qui, après 3 ans, revient à la compétition, n'a pas encore retrouvé peut-être tout son rythme, n'est pas encore totalement allé à 100% en confiance, même si je pense que il doit être quand même confortablement installé et que ça va devenir de plus en plus. Mais enfin, il a à ses côtés un jeune pilote qui est de nombreuses années son cadet, qui a réussi un très très bon week-end d'ensemble. Donc il démarre sa saison de manière remarquable, Nico, et donc ça sera une belle équipe qui va très certainement progresser, qu'il va falloir surveiller. Ouais, 17 ans d'écart entre les deux pilotes. 17 ans, hein. Ouais, 17 ans entre l'emblématique septuple. Ah, c'est pas rien. Il pourrait être son fils. Eh ben voilà, c'est ce qu'on disait. Antoine, tu pourrais être notre fils et tu es notre rookie, toi. Alors j'en viens à ton impression de côtoyer Michael Schumacher, justement. Côtoyer une idole comme ça, hein. Tu l'as, bah oui, c'est pas honteux. Tu l'as vu dans les journaux, tu l'avais vu à la télé, tu l'avais vu. Tu travaillais avec nous l'an dernier, là tu l'as vu, Michael Schumacher. Alors, quelle impression ça fait? Parle-nous. Antoine, c'est son rêve qui se réalise aussi. Bah oui, c'est clair. Raconte-nous ça. En fait, moi, je l'imaginais plus rigide, Michael Schumacher, ouais. On va dire. Et en fait, il était... Ah, mais il l'était un petit peu plus avant. Il a changé, voilà. Hein. Il a changé. Il a changé, en tout cas, pour ce début. Peut-être qu'il va redevenir comme ça après. Mais après, je l'ai senti, ouais, plutôt abordable. Il répondait volontiers aux journalistes. Il n'est jamais parti comme ça, après deux réponses, vite parti se cacher. Non, il était assez abordable, assez souriant, même en conférence de presse. Non, je le trouvais plutôt quelqu'un qui paraissait sympathique. Et c'est vrai que c'est pas vraiment l'image qu'on en avait forcément de ses dernières apparitions sur la C'est vrai, c'est vrai. Et puis même, il avait tellement été dominateur dans certaines années, le début des années 2000. Mais je vous rassure, on va encore parler de Michael Schumacher. Dans quelques secondes, on marque une toute petite pause, un arrêt au stand, nous aussi. C'est rapide, comme en F1. Vous êtes sur RMC dans Motors. Restez avec nous, on continue dans le journal de la F1 dans un instant. RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Vous aimez la F1, vous aimez la radio, vous aimez RMC, vous aimez cette page de Formule 1. Et on va revenir justement toujours sur Michael Schumacher au sein de l'équipe Mercedes. Ce retour tonitruant après 3 saisons d'interruption du septuple champion du monde. Alors tiens, Patrick, là, j'ai tout sous les yeux, hein, donc c'est facile. 3 dixièmes à peu près d'écart, à peu de choses près, entre Rosberg et Schumacher en essai. 3 dixièmes. Si je multiplie par 49 tours, 50, ça me fait 15 bonnes secondes. Or, en course, il y a beaucoup moins, puisque Schumacher termine sur les talons de Rosberg avec 4 petites secondes. Alors, il progresse, notre champion du monde? Oui, on pouvait s'y attendre. D'ailleurs, il le disait lui-même, hein, en qualif, je ne suis pas encore à 100% confiance avec l'auto, donc je ne suis pas capable de me jeter comme il le faisait, qu'il savait le faire, souvenez-vous, avec sa Ferrari, sur un tour sec. C'est d'ailleurs l'exercice maintenant fabuleux que l'on a, et à mon avis, un des points forts et des grands point positif de cette nouvelle réglementation. Oui, vraiment, on revient à des voitures légères, voilà. À l'exercice pur de la recherche de la performance, donc c'est extraordinaire. Mais enfin, ça, c'est sur un tour sec, et peut-être que dans ce registre, il a encore à progresser, surtout par rapport à Nico Rosberg, plus incisif, peut-être plus brave, mais en course, bien le métier de Schumi vient compenser, il vient... sur un très très bon rythme de course, grignoter des dixièmes et se rapproche. Alors justement, Antoine, tu as dû entendre, hein, cette réflexion de la part de tous nos confrères et de l'ensemble du milieu. Ça y est, on a retrouvé les vrais pôles avec les machines légères et on donne tout sur un tour. Ouais, exactement. Là, c'est exactement ce que disait Patrick. Là, j'ai écouté, c'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, maintenant c'est la performance dans les, avec les voitures légères qui se fait sentir, qui s'est montré dans les dans cette course. Et on voit d'ailleurs, c'est autre chose, mais on voit qu'on parlait du Big Four, les quatre grosses. Oui. Et ben, elles sont là, les quatre, les huit premiers pilotes, elles font partie de ce Big Four. Absolument. Et c'est le cas également en course, malgré les problèmes de Vettel, on l'a vu. Alors, on va parler un petit peu maintenant, Patrick, du ventre mou, j'ose les appeler comme ça, parce que sinon on n'en parle jamais. On va venir évidemment en finale de cette page F1 sur les nouvelles écuries et les déceptions, les grosses déceptions évidemment pour certaines. Alors, le ventre mou, c'est quoi? C'est Sauber, par exemple, qui avait été brillant en essai privé, qui n'a pas démontré grand-chose. C'est Williams. Alors, c'est vrai que le vieux Rubens Barrichello, le vieux lion, se défend. Il arrache un point parce qu'on en donne 10 aujourd'hui. Mais on est un petit peu déçu quand même par Sauber et Williams, non? Oui. Je crois que c'est exact. On s'attendait à quelques surprises éventuellement à la suite des essais hivernaux de la part de Williams, qui a des beaux pilotes, ou de Sauber, qui avait fait des très très bons chronos, mais ça c'était à Barcelone, maintenant sur un circuit totalement différent. Alors il faut ne pas les oublier ou les mettre à la poubelle trop rapidement, mais ce sont des équipes qui sont un petit peu plus en difficulté quand même par rapport aux quatre primeurs, aux quatre principales Big équipes four, de la saison. Ouais. Voilà, les Big Four. Et ouais, c'est clair. Alors Antoine, toi tu vas me parler de Renault, tiens, puisqu'en plus tu as passé les qualifs à l'intérieur du garage Renault, un vent nouveau doit et semble-t-il il commence à souffler sur cette équipe Renault qui s'en est plutôt pas mal tiré, hein, c'est ce qu'on disait. On ne s'attendait pas forcément à voir Kubica 9e en qualif. Bon, il a eu un souci en course, mais il termine quand même 11e. Et puis, on s'est pas mal débrouillé finalement. Et Vitaly Petrov, voilà, a été éliminé sur un problème technique, on va dire. Mais lui aussi, il a tenu son rang. Hein. Renault, donc, peut-être dans les points des Melbourne. Qui est dur, d'ailleurs on rencontrait Eric Boullier après la course, on l'avait même sur RMC, c'est ça qui est dur parce qu'il termine 11e Kubica, Petrov qui termine pas la course, et finalement on a l'impression à la fin de ce week-end que ça s'est très bien passé pour Renault, parce que Kubica est allé jusqu'en Q3 en qualif, et parce que Petrov, avant d'avoir son problème, finalement avait fait une belle course, avait fait une très belle course pour lui, qu'on disait venu pour l'argent, etc. Finalement il a montré tout son talent, donc c'est dur de terminer avec ses places, mais finalement ça montre qu'à Melbourne il y a un potentiel énorme pour Renault. Allez, on va parler de ceux qui dégainent vite. Tu me vois venir, Patrick, c'est Force India Mercedes, parce que là aussi on est opportuniste, hein, puisque Vitantonio Liuzzi arrache quand même les deux points de la 9e place, et ma foi subtil avec son pari audacieux, les pneus durs en qualif, il était 10e, donc on est prêt à faire un exploit chez Force India. Alors on se positionne peut-être comme l'équipe, la cinquième équipe au classement, avec des exploits comme ceux réalisés la saison dernière. Il est possible avec Sutil et Vitantonio Luisi d'aller chercher des points. C'est leur objectif. Une belle petite équipe qui monte en puissance sans arrêt. Bon, qui aura peut-être du mal pour s'intégrer dans le top 4, mais qu'il faudra également surveiller tout au long de la saison avec beaucoup d'intérêt. Allez Antoine, il nous reste 2 minutes pour parler des petites équipes, de ceux qui débarquent. Alors malheureusement, on va évacuer rapidement, hein, on les a pas vus à peine, les pauvres Hispania, le HRT avec Karun Chandhok et Bruno Senna. On peut juste leur souhaiter de rouler enfin à Melbourne pour développer. Alors après, du côté de Virgin Racing, voiture étudiée donc uniquement en CAO, et puis enfin Lotus, c'est là que je voulais en arriver, parce que on crie au triomphe parce que les deux Lotus sont à l'arrivée, 15e et 16e à un tour quand même. Comment as-tu considéré toi cette équipe Lotus avec deux pilotes expérimentés, Jarno Trulli et Kimi Räikkönen? Lotus, c'est quand même la meilleure des nouvelles écuries. Hein. On le sent, il y a plus d'expérience, tu viens de le dire, avec Trulli et Kovalainen. On sent quand même qu'elle a été plus préparée, elle a un peu plus roulé. Quand tu vois, par exemple, HRT qui a fait courir Chandhok peut-être 3 tours dans les derniers essais pour pouvoir être en qualif, bon voilà, c'est autre chose. Lotus, ça a l'air quand même un peu plus sérieux, et ça s'est vu d'ailleurs, puisque les pilotes terminent la course. Donc, ça a l'air quand même d'être la plus sérieuse de ces nouvelles écuries. Oui, Patrick, puis il y a l'expérimenté Mike Gascoigne, hein, qui joue son va-tout. Peut-être le dernier coup de sa carrière à lui, cet ingénieur, on va dire fantasque, qui a fréquenté beaucoup d'écuries. Bah, il a réussi à mobiliser autour de son projet beaucoup d'intérêt. Déjà le retour du nom Lotus, des investisseurs sérieux et importants, des pilotes d'expérience. Donc tout est en place, comme le disait très justement Antoine. Mais pour toutes ces équipes, ce premier Grand Prix de la saison, c'était une séance d'essai dans la continuité de Barcelone, grandeur nature. Donc, ça sera de mieux en mieux, je n'en doute pas pour elle. Ils vont résoudre les problèmes qui se sont accumulés les uns aux autres. Ils vont les éliminer sur la longue liste de qu'ils ont dû faire, tous ces problèmes de dysfonctionnement. Ils vont gagner en fiabilité, ils vont gagner en performance. Je l'espère pour eux. En tout cas, il faut les accueillir avec les bras grands ouverts, parce que la Formule 1 a besoin de la présence de ces petites équipes aussi. Exactement, a besoin de vent nouveau. Et ce vent nouveau, eh bien, il va souffler sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne dès le week-end prochain. Circuit dont le long de 5 km 303 qu'il faudra parcourir à 58 reprises, 69% de full throttle pour Patrick et Antoine. Donc ça va être un circuit de moteur également. Il se passe toujours énormément de choses sur le tracé de Melbourne. Merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous et bon vote, puisque je sais que tu continues ton marathon à toi là, entre les bureaux de vote au Canet. Eh oui, et je sais pas si tu l'entends, mais le périple, il va joyeusement avec son carillon. Ah ben voilà, impeccable. Merci beaucoup Patrick, et on se retrouve évidemment sur l'antenne de RMC dès le week-end prochain. Merci beaucoup. À 7h samedi pour les qualifs. Salut Antoine, merci beaucoup et bon voyage là-bas aux Antipodes. Tu vas découvrir ça à Melbourne aussi. Et puis nous, ouais, tu pars demain, je sais bien. Et nous, on se retrouve évidemment dans un instant, juste après les infos. Vous restez avec nous sur RMC. On aborde la deuxième heure de Motors, où je peux vous dire, c'est du lourd également avec les essais, les derniers résultats des tests GP Moto. Et puis, on parlera évidemment du pilote du mois avec Philippe Séclier d'Auto Hebdo. Et puis également, retour sur les 12 heures de Sebring. Restez avec nous sur RMC. RMC Motors avec Motors TV.